Oui, bonjour Frédéric et toute l'équipe de Blockbuster. Il y a 25 ans environ, j'ai un copain qui m'a dit un jour, si t'as froid, Metallica. Alors lui, ça l'a fait hurler de rire, moi aussi, mais je savais pas pourquoi. Eh bien, après ton émission, je sais pourquoi et je te remercie. Keep on, bye. Vous savez quoi ? Metallica, c'est vraiment de la... Coucou mon chaton, c'est ta petite maman. Bah écoute, tu réponds pas à ton téléphone, donc je passe par ton émission préférée pour te demander si tu peux passer prendre tes jeans à la maison ce soir, parce que j'ai fini de faire les ourlets, et en plus, j'ai fait du bœuf bourguignon. Bisous, bisous. Oui, bonjour Fred, c'est Fred. Je voulais te dire que j'avais beaucoup apprécié l'émission sur Metallica, parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Mes enfants répétant 1500 fois Metallica dans la cave, et ensuite moi les amenant dans divers endroits glauques et enfumés, embrumés pour jouer. Mais c'est en fait des super souvenirs parce que bah, la passion c'est bien. Allez, je t'embrasse. Bonjour Blockbuster, donc aujourd'hui c'est Rayman, c'est ça. Donc je n'ai qu'une seule chose à dire, Rayman ne file pas la banane, je veux des lapins crétins. Rayman ne file pas la banane, je veux des lapins crétins. Bisous. To be or not to be, not to be. En général, en vieillissant, il y a des fringues dans lesquelles tu ne rentres plus. Eh ben, il y a des jeux vidéo, c'est pareil, en vieillissant, tu rentres plus dedans. Tu les refais 20 ans plus tard, tu passes plus le premier niveau, t'as l'impression qu'ils ont ajouté des ennemis partout, t'as trois pauvres vies, chaque saut au-dessus d'un gouffre, t'as l'impression que ton personnage a la souplesse d'un poney mort, et tu n'oses pas affronter le regard de tes enfants, à qui tu avais dit que tu étais un dieu à ce jeu. Tu te demandes ce qui a bien pu changer avec le temps. Et finalement, il y a des jeux qui sont un peu comme des histoires d'amour. Au début, enivré par la passion, on pardonne tout, on ne voit pas les défauts du jeu, mais pire, on apprend à vivre avec. Trois vies, c'est deux de trop, car on est convaincu que l'on va passer son existence à jouer à ce jeu. Et puis avec le temps, la passion s'érode, on laisse entrer d'autres jeux dans sa vie. C'est l'époque où on se laisse tenter par des jeux faciles, des jeux d'un soir. Et quand on retombe nez à nez avec son premier amour vidéoludique, tous les défauts qu'on ne voulait pas voir au commencement nous sautent aux yeux. Et on se rend compte que finalement, on n'est plus le joueur qu'il faut à ce jeu-là. On se console dans les bras d'une autre console. Tout ça pour dire que bref, je suis devenu nul à Rayman. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Salut à tous! Vous voulez savoir ce qui se trame ici? Laissez-moi vous raconter l'aventure de Rayman. Dans le monde de Rayman, la nature et ses habitants vivent en paix. Le grand Protoon maintient l'équilibre et l'harmonie de ce monde. Désolé les amis, apparemment ça ne va pas durer. Quand on pense mascotte de jeux vidéo de plateforme, on pense habituellement à Mario, le plombier de Nintendo, ou Sonic, le hérisson de chez Sega. Pourtant, en 1994, issu de l'imaginaire du français Michel Ancel, apparaît un drôle de personnage avec des mains et des pieds, mais sans jambes ni bras. Avec son design de personnage de cartoon et sa houppette à la Titeuf, Rayman était né. Pour revenir sur ce personnage de jeu vidéo désormais mondialement connu, j'ai avec moi Christophe Héral, bonjour. Bonsoir. Vous êtes musicien, compositeur des bandes originales sur Rayman Origins et Rayman Legends, et rien que pour ça on dit bravo déjà. Ah bah c'est un honneur. Et les Rayman mobiles aussi. En plus. Voilà. Avec nous également, il est de retour et on est ravis, Jean Z, bonjour. Hello, bonjour. Vous êtes journaliste de jeux vidéo et actuellement commissaire de l'exposition Ubisoft, une odyssée montpelliéraine qui se tiendra du 23 octobre 2021 au 26 février 2022 à l'ESMA, l'école supérieure des métiers artistiques de Montpellier. Et l'exposition traitera notamment des origines de Rayman et de sa relation avec la nature. Exactement. Avec nous également, Cyril Imbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Dotemu. Alors les connaisseurs de jeux vidéo, ça leur dira peut-être quelque chose si je parle de Street of Rage, le 4, des Tortues Ninja à venir, des jeux dont je suis fou. Société de jeux vidéo spécialisée dans la réédition de classiques rétro sur les nouvelles consoles et PC. C'est ça. Ensemble, on va revenir sur la création de Rayman et de son univers, ce que son histoire représente pour Ubisoft, mais aussi pour le jeu vidéo en deux dimensions en général. On parlera de l'évolution de Rayman au fil des consoles et des générations. On parlera de la conception des niveaux, de la musique, et on tentera de savoir si ce type de jeu a encore, je le pense, mais faut poser la question quand même, de beaux jours ou non. Blockbuster spécial Rayman, press start. Dans le monde à présent déséquilibré, d'étranges phénomènes se produisent. Des créatures hostiles apparaissent et elles capturent tous les Electoons qu'elles peuvent trouver. Seul un héros peut sauver la situation maintenant. Non ? Rayman, à la rescousse ! Jean Z, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait qu'en 95, alors que la mode est à la 3D, Ubisoft, studio de jeux vidéo français, décide de faire un jeu de plateforme en deux dimensions? Alors, pour rappel, en 95, c'est vrai que la 3D, ça commence à enchanter tout le monde. Faut-il encore avoir les moyens? Et puis surtout, si on revoit les images aujourd'hui, ça picote un peu les yeux. Le polygone est quand même très très pointu. Donc ça manque de souplesse et de volupté. On arrive effectivement à une fin de parcours pour ce qu'on appelle le jeu de plateforme en 2D. Ce qui va marquer surtout les esprits, et pourquoi Rayman s'est imposé, c'est l'art de l'animation. C'est-à-dire que c'est un personnage qui s'animait vraiment génialement. Déjà, c'est un autoportrait de son auteur Michel Ancel, une espèce de... C'est un petit blond hirsute. Enfin, lui, il est grand. Il est plutôt grandjigue avec un grand sourire extrêmement brillant. Et lui, c'est Rayman. Il a pas de bras, pas de jambes pour pouvoir agripper un peu tout ce qu'il veut et vivre ses aventures. En gros, c'est vraiment une image montpelliéraine. Il fait des couillonnades. Voilà. C'est l'autoportrait de Michel Ancel de son enfance en petit gars qui fait des couillonneries et qui doit sauver son monde. Mais il l'a tellement bien animé. Vraiment tellement bien animé. Ça se faisait pas à l'époque, ce type d'animation. C'était vraiment tellement joli à voir. Qu'il va réussir à embringuer tout le monde, enfin beaucoup de gens à Montpellier, et notamment des gens de l'animation. En fait, Rayman, c'est la synthèse qui n'avait pas encore été faite entre un monde de l'animation qui commençait un petit peu à péricliter, avec des dessins vraiment faits à la main, il y a un côté très artisanal dans Rayman, et puis un monde du jeu vidéo qui commençait à s'imposer petit à petit, et ce choc des deux mondes va donner Rayman, et c'est pour ça que effectivement cette déjà vieillerie en 95, séduit même encore maintenant les yeux. Et parlons de Michel Ancel, donc qui est très inscrit justement dans la région de Montpellier, et qui est monté à Paris sous la demande d'Ubisoft. Parlez-moi un petit peu du parcours de cet homme, parce qu'en fait c'est un autodidacte. Il a commencé très très tôt et il avait même déjà commencé à développer des jeux vidéo avant Rayman. Oui, il en a même écrit pour Ubisoft. Il est allé pour Ubisoft en Bretagne, à Paris, et c'est en montrant, il commence à créer sur son Atari ST. Ce petit Rayman, il le fait bouger tellement bien, il le montre à Ubisoft, mais Ubisoft dit « Ouais, non, ça nous intéresse pas. » Effectivement, la 3D commence un peu plus à nous intéresser. Et il se dit « Bon, non, mais moi, je veux quand même faire mon Rayman et je vais aller à Montpellier. » Voilà, je vais retourner à Montpellier du côté de chez lui. Et, en indépendant. Totalement en indépendant. Et surtout, il connaît quelqu'un qui s'appelle Frédéric Houd, qui est lui le côté programmeur, le côté ultra-technicien, qui est toujours à Ubisoft Montpellier. Et eux, ils se connaissaient avant. En fait, avant toute cette histoire, à dos, ils se connaissaient. Ils allaient à la même boutique Informatique 2000. Parce qu'à l'époque, l'informatique, ça coûte ultra cher. Donc, en fait, en gros, on va squatter comme on squattait à la Fnac pour se faire des BD. Là, on squattait l'informatique 2000 pour se faire les nouveaux ordinateurs. Et ils vont commencer à se connaître et commencer à rêver de ce métier. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui peut-être nous écoutent et se disent, ouais, je rêve de faire du jeu vidéo, mais on sait comment, ou à peu près comment. Il y a des écoles, il y a quand même des parcours. À l'époque, il n'y a rien du tout. Il y a juste les magazines qui vous disent un peu comment coder. Vous rêvez, vous avez des étoiles dans les yeux, mais vous avez rien dans les poches. Et ces deux-là vont commencer à rêver de Rayman, et y rêver vraiment et à pouvoir le réaliser. C'est un parcours vraiment qui est assez étonnant, parce que c'est quelqu'un qui est fort, fort en caractère, mais aussi qui a su prendre l'opportunité de dire, bon, Ubisoft, vous voulez pas de moi? Ubisoft finira par dire, ok, non, Rayman, on le veut, on vous finalement, le prend. On veut bien. Ouais, on veut bien, finalement, c'est chouette. Puis il a surtout aggloméré beaucoup de gens autour de lui, Michel Ancel. Du coup, là, ça devenait beaucoup plus intéressant. Et puis ce Rayman commençait vraiment à bouger de manière assez géniale. Et de fait, voilà, ce parcours assez étonnant, parce qu'il commence, il a 15-16 ans. Enfin, je veux dire, voilà, c'est de l'autodidacte, mais j'allais dire, comme tout le monde à ce moment-là. Je veux dire, comme tous les développeurs, oui, ils étaient autodidactes. Tout était à créer. Mais tout, il n'y avait pas de formation. Aujourd'hui, on sait ce que c'est à peu près un game designer, un concepteur de jeu. À l'époque, le mot n'existe même pas professionnellement, je veux dire. On est tous programmeurs, quoi. On programme, on fait des jeux, quoi, voilà. Christophe Héral, est-ce que vous connaissiez déjà Rayman avant même de travailler dessus, ou c'est vraiment au moment de concevoir la musique que vous vous êtes intéressé à cet univers Non, je connaissais un petit peu comme tout le monde, parce qu'il suffisait d'aller à Mammouth ou à Montlore ou enfin dans un supermarché. Et en fait, il y avait des tas de Rayman, Rayman à la plage, Rayman apprendre l'anglais, Rayman... oui, parce qu'il a servi d'outil pédagogique dans l'apprentissage de la lecture et du calcul. Et très longtemps d'ailleurs, sur des années, le premier, c'est vraiment un gros machin. Alors moi, j'étais pas très, à cette époque-là, porté sur le jeu. Je préférais l'arcade, moi j'étais plutôt au bar. Bien évidemment, on ne peut pas ne pas le connaître. Mais j'ai surtout découvert un personnage, c'était Michel. Et puis toute l'équipe qu'il avait su agréger. Ça, c'était vraiment hyper intéressant. Plus que le jeu lui-même, en fait. Parce que le jeu lui-même, franchement, il faut être un hyper gamer pour arriver à finir le premier. Ah, mais on va en parler. Hein. Ah, ouais. Souvent, quand on évoque le nom de Rayman, la difficulté liée à ces jeux arrive assez vite. Parce qu'effectivement, c'était pas ce qui a été de plus simple. Cyril Imbert, pour vous qui êtes donc président d'une boîte qui s'est fait connaître pour des jeux en 2D extrêmement bien animés, que représente Rayman comme exemple ou comme modèle à suivre? Bah, moi, j'ai connu Rayman, ça devait être un de mes premiers jeux sur PlayStation, quand je devais avoir 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Ça représente... en fait, ça a montré justement avec tous les sorts 3D à ce moment-là que la 2D était loin d'être morte et qu'on pouvait faire des choses absolument magnifiques et très bien faites avec la technologie des consoles 32 bits, mais on pouvait continuer de faire la 2D et de bien la faire. Et donc, moi, à l'époque, je me posais pas forcément ces questions. Il faut bien préciser aux auditeurs que quand on parle de 2D, c'est vraiment cet aspect à plat dessiné avec un défilement horizontal ouais, ou vertical. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans la, il n'y a pas de profondeur dans l'écran. Ouais. C'est pour prendre un exemple, vous avez par exemple Tomb Raider où là, effectivement, c'est en 3D. Ouais. Et Rayman, c'est l'idée d'un c'est comme Mario, les premiers Mario, on va de la droite de la gauche vers la droite. Ouais. Non, voilà, donc pour moi à l'époque, je me posais pas forcément la question 2D ou 3D, qu'est-ce qui est le mieux? Bien sûr, la 3D ça me fascinait en tant que joueur et surtout en tant qu'enfant hein, qui découvrait tout ça, mais Rayman pour moi, c'était vraiment un univers, un personnage, une musique aussi déjà à l'époque, je trouvais ça assez incroyable, la qualité de la musique, parce qu'avant ça, j'avais eu d'autres consoles bien sûr moins puissantes et ça faisait quand même une grosse différence. Donc ouais, c'était un pas en avant et du coup ça changeait un peu de la frénésie 3D qui arrivait à ce moment-là et c'était très bien maîtrisé, donc c'était un très bon souvenir pour moi. Les joueurs qui se sont essayés à la démo de Rayman Legends vont immédiatement reconnaître la chanson qui est en train de passer derrière moi. Cette émission est réalisée par Céline Hila, elle a été préparée par Manon Rax et Cyril Marchand avec l'aide de notre stagiaire réalisation Véronica Meilleur et aujourd'hui à la technique Clément Vuillet et au mixage François Saint-Jour. We'll be right back. c'était Black Bailey de Ram Jam. Blockbuster. Sur France Inter. Féral. Cyril Imbert nous parlait de la musique du premier Rayman qui a été composée par Rémi Gazel qui nous a quittés mais que vous avez bien connu. Rémi, c'est devenu un ami. Et ce qui est super avec Michel, c'était que il m'avait présenté quand on a commencé à travailler sur BGE. Et c'était en dehors de toute compétition. C'était tiens, je te présente le compositeur, un des compositeurs de Rayman 1. Et on s'est donc rencontré en l'an 2000-2001 à peu près. Et puis c'est quelqu'un avec lequel on a essayé toujours de continuer. À travailler le 1, Légende, et en fait il y avait un fil conducteur, c'était Rayman en fait qui était finalement devenu une marque, et on essayait de jouer ensemble, donc on a joué ensemble. Yves Guillemot d'ailleurs nous avait permis de jouer ensemble lors d'une manifestation des 20 ans de Rayman, 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus maintenant, mais et donc on avait joué ça ensemble avec un quatuor à cordes, on jouait ses thèmes, on jouait les miens, et puis c'était ça Rayman, et c'est toujours ça Rayman en fait, c'est quelque chose qui il y a un lien quel que soit le moment où on y joue, même toi qui est farci d'arthrose sûrement, a du mal avec la croix et le... mais voilà, pour revenir juste à l'APS, c'est que les musiques elles ont pris aussi de la valeur parce que l'objet, la console elle-même permettait d'avoir plus de mémoire c'est ça, oui. Avant on passait de la cartouche à un CD, ça change le monde. Mais il y a une particularité avec les Rayman, quel que soit l'opus, c'est que c'est des musiques qui vous transportent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profondément joyeux et qui vous pousse à aller de l'avant. Il n'y a pas du tout cette dimension qui peut apparaître de temps en temps anxiogène dans certaines bandes originales de jeux vidéo. Il y a quelque chose de vraiment, on parle peut-être à tort de feel good movies. Je trouve que Raymond. Je vais l'appeler comme ça aujourd'hui. Oui. Raymond, ce petit personnage français, il s'appelle pas Raymond, il s'appelle Raymond. Si. Raymond, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la feel good music en fait. C'est un feel good game. Ouais. Complètement. Il y a un truc intéressant à signaler, c'est le fait que Michel, par exemple, si vraiment le gameplay est très difficile à jouer, il dit attention, on va pas punir deux fois le joueur. Déjà, c'est une brèle, il n'y arrive pas. Donc, la seconde fois, on peut essayer de changer des petites choses dans la musique qui fait que malgré le fait qu'il n'y arrive pas, il est gratifié et il n'est pas puni. C'est peut-être ça la recette aussi. Et sur la difficulté du tout premier Rayman, j'ai lu que c'était parce que justement, par rapport au temps de développement, les testeurs du premier Rayman n'avaient pas vraiment eu le temps de faire leur travail. Et donc en fait, ils ont sorti le jeu trop vite. Et ils ont été les premiers surpris de voir le retour des joueurs en disant mais c'est beaucoup trop difficile. J'en ai beaucoup fermé ou infirmé. Oui, bah de toute façon c'est les jeux qui n'ont pas eu ce qu'on appelle beaucoup de phases de playtest qui souffrent de cela. Les phases de playtest c'est un truc qui est inhérent aux jeux vidéo. Il en faut, c'est-à-dire il faut toujours tester les jeux. Ça revient au studio, on refait des tests, on va au studio et ainsi de suite du début de la production à la fin. Pourquoi pas uniquement pour chasser des bugs, mais pour justement faire jouer à d'autres le jeu qu'on est en train de produire et qu'on connaît ultra par cœur. Voilà, on peut donner le jeu le plus difficile. Si vous apprenez tout par cœur et vous connaissez tous les passages, ça va être facile au bout d'un moment. Et là, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il y a certains niveaux qu'ils ont pas beaucoup playtestés. Et de fait, ils sont difficiles parce que personne leur a dit, moi là-bas au fond, là, j'ai quand même un peu du mal à jouer à votre jeu. Justement, Benjamin Dussy est allé à la rencontre des gens afin de savoir ce que Rayman évoquait au grand public. Et il semblerait que ça soit un trauma dont les gens ont encore besoin de parler aujourd'hui. Quand on demande à des gens au hasard quels sont leurs souvenirs de Rayman, on a un peu l'impression de faire de la psychanalyse, avec cette sensation de parfois tomber sur des blocages. Absolument, j'y ai joué, c'est bien. Allez-y, détendez-vous, dites-moi simplement ce qui vous passe par la tête. C'est pas Frédéric Ancel, le créateur ? C'était pas plutôt Michel Segrist ? C'est fun et très rythmé, Rayman, quand même. Oui, voilà, on avance. Mais avant de parler du rythme et de la musique, parlons un peu de l'image. Vous êtes sûr de bien vous rappeler du physique de Rayman ? Ouais, c'est Rayman en bleu qui fait comme ça, là. Vous êtes sûr que vous pensez pas plutôt à Megaman ? Ah ouais, ça c'est Megaman. Ouais. Non, non, Rayman, il ressemble plutôt à ça. Bien sûr. Ça, j'ai grave joué quand j'étais petit. Ce jeu me rendait fou sur la PS2. Non, je connais très très bien ce jeu. Rayman, il avait une tête qui sortait, je m'en rappelle. Moi, j'étais jeune parce que l'époque de Rayman, je devais avoir 7 ans, 8 ans, 9 ans. C'était un jeu que je trouvais dur, qui faisait même un peu peur, limite. Hein. Peur, carrément. Quand j'étais petit, ce jeu, il faisait pas peur, mais l'univers, il est un peu... Angoissant. C'est même sa tête, elle se détache son corps, il a une chaîne, non? Il faut trop que je rejoue. Là, j'ai des lointains souvenirs, quand même. Ah non, mais vous avez complètement le droit de trouver ce jeu angoissant. Hein. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens, Rayman, c'est avant tout une grande difficulté et en même temps un grand plaisir. Ah, moi, c'est ma jeunesse. Rayman sur PS1, le premier. Ça, j'ai beaucoup joué. Ah, il était très compliqué. En fait, j'ai joué, j'étais vraiment petit, j'avais peut-être 10 ans. Et il est sur PlayStation 1. Et il était tellement, tellement dur. Enfin, c'était drôle. Et l'animation, toujours en 2D par rapport aux jeux qui commençaient à être en 3D, qui n'étaient pas si jolis que ça à l'époque. Tu as pensé de Rayman et je te dirai qui tu es. Avec plus de 15 ans d'existence, la franchise Rayman, c'est vraiment un traumatisme joyeux pour toute une génération. Et quand il s'agit d'en parler, le principe est un peu le même qu'en thérapie. Une fois la parole libérée, c'est presque impossible de s'arrêter. C'était... Et j'en souviens trop. Et comment, il y avait tout ce niveau qui était axé sur le monde de la musique. En fait, on devait avec les notes, ouais. On devait rebondir avec des notes sur des trampolines, ouais. Passer dans des instruments avant et partir en haut en bas. C'était ouais. Merci Benjamin Ducy. Cyril Imbert, justement, ce débat sur la difficulté des jeux, vous avez sorti il y a très peu de temps Street of Rage 4, ouais. Qui, à bien des égards, peut être considéré comme un jeu de temps en temps compliqué. Bien sûr. Donc, comment vous avez-vous tranché sur cette question de la difficulté? Bah, en fait, ça dépend de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut, du résultat qu'on veut atteindre et aussi à qui on s'adresse. Hein. Évidemment, des gens qui ne jouent pas souvent aux jeux vidéo vont trouver des jeux extrêmement difficiles, alors que des gens qui jouent tous les jours vont trouver le même jeu très facile. Donc ça dépend un peu à qui on s'adresse et nous en tant que créateurs souvent on s'adresse à des gens un peu comme nous, donc qui ont quand même beaucoup joué. Et donc c'est pour ça qu'effectivement la question de la difficulté elle est aussi intrinsèque au genre. Mmh. C'est pour ça que vous avez laissé le petit personnage pourri avec son couteau là dans exactement. Bah oui, bien sûr, il fait partie qui fait les diagonales que je hais hein, de toute mon âme. Hein, sachez-le. Et après c'est un peu le même cas pour Rayman, c'est-à-dire que la difficulté aussi elle est importante parce que elle permet aux joueurs de progresser d'un point de vue compétence intrinsèque, pas juste en expérience ou en temps de jeu, mais vraiment de devenir meilleur à la manette, etc. Et donc, ça, je veux dire, si on était bon tout de suite à Rayman ou à Street of Rage, on finirait le jeu en une demi-heure. Et donc, ça n'aurait aucun intérêt. L'intérêt de la difficulté, elle vient aussi de l'apprentissage, du challenge qu'on se donne et de la satisfaction d'y arriver. Donc, la difficulté, il faut bien la doser. Il faut savoir à qui on s'adresse. Et donc, c'est important aussi de prévenir les gens. Attention, ce jeu est difficile, mais il est très cool. Mais voilà. Il vaut le coup. Et initialement, Rayman, Jean Z, était destiné à une console dont on a assez peu entendu parler, qui était la Jaguar. Et pour cause. Alors, en fait, il était destiné à une autre console. Une console que tu connais bien, c'est la SNES, la Super oui. Nintendo. Mais à son accessoire qui n'est jamais sorti. Bon, on va pas vous expliquer ça parce que c'est quand même une dramaturgie un peu grecque, ancienne. Enfin, bon, il y a du lourd entre Sony et PlayStation. Donc, entre PlayStation et Nintendo. C'est le fameux lecteur CD qui devait s'ajouter à la Super Nintendo. Et effectivement. À la manière du Mega CD qui. Exactement. Et donc, en premier lieu, ça a été pensé pour ce fameux lecteur CD de la Super Nintendo. Et de fait, l'accessoire périclitant suite à un incident diplomatique, on va dire comme ça, eh bien, il a fallu trouver une autre, on va dire, une autre console. Ça va être la Jaguar, pauvre Jaguar qui est arrivée en 93. Bon, avec des faux muscles, elle était censée être ultra puissante, surpuissante, écraser tout le monde. Bon, le catalogue est familique. Hein. Ce sont les jeux hein, qui font le secteur du jeu vidéo et qui font les consoles. On le voit encore très récemment avec le succès de la Nintendo Switch, où effectivement son parc de jeux pléthorique. Complètement pléthorique. Et là, du coup, ils ont fait le choix de la Jaguar parce qu'elle c'était la plus puissante à raison. Parce qu'encore une fois, c'est un jeu extrêmement bien animé. Il y a de l'animation réalisée à la main derrière, la musique de Rémi Gazelle, etc., etc. Donc, il fallait bien une console puissante. Ils choisissent la Jaguar. Je pense que tout en sachant que, bon, la pauvre Jaguar, elle a d'Atari, hein, parce qu'elle est quand même signée Atari, malgré tout, c'est quand même un nom un petit peu luxe, hein, dans le jeu vidéo. C'est Pong, c'est le premier jeu. Enfin, c'est le jeu qui a créé le business du jeu vidéo. Et puis, on va se dire la PlayStation. Pourquoi? Parce qu'il y a on va dire qu'il y a un canevas chez Ubisoft. C'est dès qu'il y a une nouvelle console, on y va. Vraiment, on y va, puis on y va de bon cœur. On offre des belles choses. On peut offrir Just Dance, par exemple, et la pancréta à la Wii. Exactement. Et on va se dire, Rayman, on y croit, parce qu'ils y croyaient beaucoup. Ils investissent quand même pas mal d'argent pour l'époque. Et on y croit à la PlayStation. Pourtant, c'est de la 2D dans quand même une machine qui arrive et qui dit, nous, on fait de la 3D. On écrase les ordinateurs de l'époque. On fait les jeux les plus puissants du moment. Mais cette 2D-là a besoin de la puissance de la PlayStation. Et c'est vraiment la PlayStation qui va... Enfin, ils vont se porter tous les deux. Oui. Le succès, voilà, va être vraiment commun. Et c'est vraiment une des belles histoires. Et la Jaguar, bah non. Toujours pas. La PlayStation va tuer la Jaguar, en fait. Ouais, oui. Petite console partie trop vite. Ouais. Oui. Et arrive Rayman 2. Et là, alors que le premier a bénéficié de très très bonnes critiques, puis il y a quand même eu un certain nombre de ventes. Pour Rayman 2, c'est indispensable d'aller vers de la 3D. Et il passe à la 3D. Comment on explique ça? Là, je pense que ça devenait assez naturel, surtout sur la PlayStation. Je pense que c'est le succès de la PlayStation qui fait que il y a un moment, je pense que ça a dû se discuter. Déjà, Michel Ancel, encore une fois, je le répète, c'est dans un monde où on est un peu programmeur, artiste, et tous ces gens sont un peu programmeurs, artistes, techniciens, artistes. Enfin, voilà, c'est des zones où ces frontières ont un peu disparu. Et ils se disent quand même, il y a cette nouvelle techno, on la prend quand même. Ouais. On la prend, puis on sait faire à Ubisoft Montpellier. Je veux dire, on la prend et on la fait. Et The Great Escape sera un développement assez compliqué parce que c'était vraiment le successeur de Rayman et c'était vraiment très peu, avec très peu d'écart dans le temps. Mais ils sortent vraiment un truc qui est, voilà, moi j'ai beaucoup aimé Rayman 2. Quoi. Et Christophe Héral, vous qui voyez le studio Ubisoft Montpellier de l'intérieur, comment ça se passe? Parce que j'ai vraiment l'impression, en regardant tous ces jeux depuis des années, que c'est à la fois des jeux qui se jouent, bien évidemment, mais qui se regardent et qui s'écoutent. Et on sent vraiment que la place des artistes, et j'utilise le mot à dessein, est vraiment très très importante. Est-ce que ça se sent? Est-ce qu'il y a véritablement des moments où on regarde juste les planches, les dessins, d'autres moments où on écoute juste la musique comme ça dans un studio? Comment ça se passe, le processus de création, l'envers du décor? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de Yves Guillemot. Je vais raconter juste une petite histoire. Quand je suis revenu de Macédoine, de Skopje, où on a enregistré la musique de Rayman Legend, il connaissait quelqu'un qui était présente dans le studio. Alors elle m'a dit, tiens, vous lui passerez bien le bonjour. Alors je suis arrivé, c'était quand même 5h du matin à Charles de Gaulle, et puis je lui ai fait un petit message sur sa boîte pro. C'était un dimanche. À 5h de l'après-midi, je reçois une réponse. Oh, cette femme est formidable. Et toi, est-ce que tu as eu tout ce que tu voulais? Et en fait, voilà un patron qui est juste hallucinant. Un, il est maintenant à la tête de quand même à peu près 20 000 personnes. Deux, il répond à ses mails le dimanche sur sa boîte pro. Et il est toujours prévenant. C'est quelqu'un qui fait attention. Et il a raison. Il fait attention aux gens qui peuvent apporter une sorte de valeur au jeu. Et donc, vous êtes bien conscient qu'on est en France là et qu'il y a 70% des gens qui vont, ouais, c'est ça, ouais. Oui, on est en France. Ouais. Enfin, lui, il est en Bretagne un peu quand même. Hein, ouais. Ah, c'est ça. Alors, les Bretons disent, ah, ça va, il fallait commencer par là, il est breton. Voilà. Ouais. Je l'aime beaucoup. On a senti ça. On va continuer d'évoquer Rayman, mais pour le moment, on va faire une petite pause musicale en écoutant General Electric avec Party Like a Human. Human, yeah. Party like a human, yeah. soap, a distant fireball. The sun is us, the sun is us. A dream of love, of two hearts mystified. A dream of hate, anger 365. All hearts dancing around the fireball. The sun is us, the sun is us. C'était Party Like a Human de General Electric. Blockbuster. Frédéric Sigrist. Rayman 3 a été supervisé de manière éloignée par Michel Ancel parce qu'il est parti travailler sur un autre jeu que les gamers connaissent bien, qui s'appelle Beyond Good and Evil. Jean Z, est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu de ce pas de côté qu'a fait Michel Ancel? Bah surtout, ils sont partis sur une autre voie, qui est une voie un peu plus mature, hein, qui n'était pas une voie aujourd'hui. On a l'habitude, notamment dans les jeux indés, mais pas que, même dans les grosses productions, d'avoir des thématiques parfois lourdes, parfois dures, parfois voilà, bref, plutôt frontales, j'allais dire. Comme Last of Us, comme The Last of Us 2, etc. Enfin, voilà. David Cage, etc. Exactement. Aujourd'hui, on n'hésite plus trop, je dis plus trop, hein, à le faire. À l'époque, on est encore dans un public, c'est la PlayStation qui a aidé un peu à, on va dire, maturer le public, qui était très enfantin avec Sega et Nintendo. Donc, de fait, si on voulait un succès, parler déjà aux adultes, fallait déjà, c'était plus le monde du PC peut-être qui pouvait le faire, mais le monde des consoles, c'était un peu touchy. Mais ils ont quand même décidé, avec Michel Ancel, de partir sur Beyond Good and Evil, un jeu qui résonne encore aujourd'hui, hein, puisqu'il parle de journalisme, de fake news, enfin, il y a tout ce qu'on se passe. Il parle d'environnement, de préservation de l'environnement, il met une femme en héroïne, une femme journaliste, enfin. Bon, bref, des choses modernes et des choses qui ont eu, je pense, qui ont dû être, si ce n'est difficile, mais en tout cas compliqué à mettre en place, à chercher un peu cette nouvelle voie. Il faut préciser que dès Rayman, pour Michel Ancel, la nature et l'environnement avaient vraiment une importance prépondérante. C'est quelque chose qu'on retrouve même dans Legends et dans Origins. Vraiment, l'environnement, la mère nature, une des influences, c'est Miyazaki. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et alors, j'allais dire, c'est peut-être plus inconscient que ça et plus collectif que ça. C'est-à-dire que si on cite des Jacques Exertier, des Frédéric Houd, enfin, il y a plein de gens qui sont en interne, qui sont pas connus, qui ont une fibre avec la nature. Et quand on leur pose la question en disant oh, la nature, qu'est-ce que ça ? Ah ouais, non mais j'adore moi la nature. Je suis déjà allé en Amazonie, c'était génial. Enfin, et on découvre des gens qui ont été un rapport à la nature extrêmement fort à Ubisoft Montpellier. C'est ce que montrera d'ailleurs l'exposition. Et c'est le cas qu'on voit chez Nintendo avec Pokémon, Zelda, où souvent les créateurs disent ah bah j'ai eu l'idée de ce jeu parce que j'adore me promener ou faire des randonnées en montagne. Exactement. Puis ils feront King Kong. Après King Kong, ce n'est qu'une jungle luxuriante, certes dangereuse, mais enfin quand même une jungle luxuriante, et il y a toujours quasiment la nature qui est dans la production de d'Ubisoft Montpellier. Et effectivement, ce Beyond Good and Evil, c'est quand même du costaud là. C'est-à-dire que on a l'impression que le studio se met à un palier à chaque fois et monte et grimpe en exigence de production. Et effectivement, il va le surveiller de loin. Le Rayman 3, après tout, la recette est déjà là. C'est un peu une copie du 2 en gros. Hein. Enfin voilà, mais arrivé quand même très très tard. Il arrive 7-8 ans après. Voilà, c'est pas désagréable, mais c'est souvent l'épisode qu'on oublie. Oui. Qu'on oublie de citer. Alors, mais tu ne l'as, mais c'est bien. Mais généralement, c'est un peu comme la Jaguar. On essaie d'être exhaustif. Oui, c'est ça. Alors, Rayman est un de mes jeux de plateforme favoris. Mais je ne suis pas tout seul parce qu'il y a des gens, ça peut sembler étonnant, mais Rayman, ils aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Rayman, bah ouais, pourquoi ? Non mais le jeu qui a presque 20 ans quoi. C'est pour les enfants, Rayman. J'ai pas de bras, j'ai des mains. C'est nul. C'est le genre de jeu qui te donne envie de quick save toutes les 5 secondes. bien pire que Crash Bandicoot et Resident Evil. Parce que c'est vraiment parfois, je dirais pas au pixel près parce que ça c'est pas du tout comme le rétro gaming ou quoi. Mais on va être honnête. C'est pas moins chiant. Il est temps de conclure cette vidéo avec la version 3DS de Rayman 2 avec un bug qui va tout simplement vous empêcher de finir le jeu à 100%. Il est tout simplement impossible de récupérer le dernier lums du jeu, le millième. Le jeu affiche 999 lums maximum, normalement, mais il est quand même possible d'en récupérer un millième sur ce jeu-là. Cependant, lorsque vous essayerez de le récupérer sur cette version, le jeu va se bloquer, ce softlock, au moment où Rayman est censé changer de scène. Et ça, il n'y a aucun moyen de le contrer. Ça rend le jeu impossible à terminer à 100%, ça n'a jamais été patché a priori, et ça c'est littéralement dû à une grosse erreur de développement, couplée à des manques de tests. C'est quand même un petit peu nul. Un mauvais moment à penser. Cyril Imbert, est-ce que vous connaissez des gens réfractaires à Rayman ? Non, pas vraiment. Non. Parce que vraiment, enfin, pour les gens de ma génération, moi, je suis né en 87. Il fait vraiment partie du paysage, en fait. Donc, on peut pas vraiment être réfractaire. C'était une époque, c'était un style, etc. Donc, oui, il y a des gens qui sont plutôt indifférents, qui voilà, ils sont passés à côté. Mais bon, voilà, c'était une création française en plus. Donc, j'imagine qu'à l'époque, on en a beaucoup plus entendu parler en tant que Français aussi. Mais c'est mondialement connu. Et ouais, je connais pas quelqu'un qui a de ressenti particulier. Particulièrement négatif envers Rayman, quoi. Et alors, effectivement, là, on a parlé des gens qui, une fois de plus, soulevaient la difficulté de ce jeu. On a parlé du fait que Rayman 3, ça avait été, il avait un petit peu souffert de l'absence de Michel Ancel qui était parti sur Beyond Good and Evil. Mais il y a aussi l'apparition d'une autre franchise dans les studios Ubisoft à peu près à la même période, qui sont ces fameux lapins crétins qui désormais ont une existence à part entière, très connue de mes enfants, des lapins tout blancs avec des sortes de bouches de babouin et puis des yeux de chaque côté, qui sont très bêtes, très vicieux, très méchants, mais qui initialement apparaissaient comme des adversaires de Rayman. J'en ai sur la Wii. C'est des adversaires. C'est des adversaires. C'est surtout qu'ils apparaissaient comme méchants, réellement. Il y avait une espèce de méchanceté. Hein. Il devait partir sur une nouvelle aventure de Rayman, puis ça s'est pas fait. Puis il a fallu faire un jeu assez vite pour la Wii. Et on s'est décidé à faire des mini-jeux, un party game, comme un jeu de société, mais voilà, sur écran. Et on a décidé de créer des ennemis à Ubisoft Montpellier. Là aussi, c'est aussi parti de Michel Ancel, même si, on va dire, là, pour le coup, la création est aussi collective parce que c'était vraiment des méchants, mais des méchants avec une espèce de froideur, comme s'il y avait des crétins, réellement, à la méchanceté 100% et à la morale à zéro, quoi. Enfin, c'est flippant, quoi. Voilà, des vrais méchants. Ah, mais même dans le dessin animé qui en a été tiré, et que mes enfants ont beaucoup regardé, il y a effectivement des moments où ils sont odieux. Oui, mais là, c'est plus connu. C'est vraiment des méchants. Ils veulent avoir la peau de Rayman et ils l'ont un peu adouci. Ils ont mis un peu de loufoquerie là-dedans. Ils ont un peu arrondi les fesses. Ils les ont ajoutés pour un petit côté drôle. Et maintenant, ils font équipe avec Mario. Ils sont surtout, ils sont devenus effectivement, des aventuriers à part entière, toujours aussi stupides, ça c'est plutôt pas mal, et surtout, ce qui est un peu injuste pour l'ami Rayman, même s'il a su rebondir, ces lapins crétins lui ont fait de l'ombre quand même un petit peu, c'est-à-dire qu'ils sont devenus un peu les chouchous des enfants, et c'était Rayman qui était un peu le chouchou, et bien voilà, c'est passé de génération, et avec ce jeu, il y a eu une espèce de bascule, où on a plutôt préféré les lapins crétins, parce qu'ils étaient nouveaux, parce qu'ils étaient plus drôles, et ils faisaient d'autres types de couillonnades que l'ami Rayman. Et ça tombe vraiment très très bien que vous disiez, parce que c'est justement ce qui m'a surpris, parce que juste après arrive ce qui pour moi constitue comme deux jeux de plateforme vraiment merveilleux, des chefs-d'œuvre visuels en termes de gameplay, en termes de musique, et vraiment je vous le redis, Christophe Héral, c'est le travail que vous avez effectué est incroyable, avec Rayman Origins et Rayman Legends, qui sont tout simplement des chefs-d'œuvre à mon sens, et qui ont eu, j'ai eu l'impression qu'ils sont passés plus discrètement que les épisodes précédents de Rayman. Comment on explique ça ? Ah, moi, j'ai eu l'impression que ça s'était fait remarquer. Alors, moins qu'effectivement à l'époque de Rayman 1, avec l'arrivée de la PlayStation, c'est l'époque des révolutions. Et c'est vrai qu'il y a un fort accent artistique. Et à la fois, c'est le Rayman qu'on connaît, c'est-à-dire ce mélange d'animation, de musique et de jeux vidéo. Et de couillonnerie. Et là, le mélange est effectivement parfait, avec des moments musicaux et rythmiques vraiment géniaux. Enfin, il y a des coups de génie, il y a du pastiche, il y a de la parodie, mais c'est ultra bien fait. Il y a de la référence à la musique aussi dans les niveaux. Mais je crois que voilà, Rayman réussit quand même l'exploit, parce que c'est un exploit dans le paysage actuel, de se maintenir, parce que c'est ça l'exploit en réalité. Et il ne se fait pas oublier. Alors certes, ça devient peut-être pas, c'est ce que tu sous-entends, des monstres de vente, mais il n'empêche, Rayman est encore là. Il y a nombre de héros et de mascottes du jeu vidéo qui sont tombés dans l'oubli. Tout à fait. Totalement. Rayman, lui, il est là, et c'est notamment grâce à ces deux jeux qui sont effectivement absolument merveilleux. Ouais, les deux jeux sont superbes, et je pense que le fait qu'ils aient pas eu trop de succès, c'est parce que bon, c'est un problème peut-être de communication aussi. C'est pas forcément la priorité d'Ubisoft à ce moment-là quand ils y avait Assassin's Creed. Il y a des productions beaucoup plus coûteuses et dont il faut assurer la rentabilité qui passe en priorité probablement, même s'il y a un côté aussi historique et une vraie volonté probablement aussi de Michel Ancel. Mais bon voilà, je pense qu'il y a eu un problème de communication aussi, d'attente. Les gens n'attendent pas forcément d'Ubisoft ce type de jeu. Peut-être que si c'était passé par un autre éditeur ou un développeur indépendant, ça aurait beaucoup plus résonné. Et peut-être cette idée aussi que les gens ne s'intéressaient plus à Rayman et donc sont même pas allés voir ce que c'était. Mais les jeux ont quand même très bien fonctionné, hein, tout est relatif. Donc oui, attention, ça reste des succès. Là, je le compare par rapport à des hits. Voilà, exactement. Par rapport au premier Rayman, qui était un vrai produit culturel, ou au Lapin Crétin, typiquement, sur les récents, on est moins là, mais ça reste quand même des excellents jeux qui ont bien marché, qui ont inspiré par la suite aussi potentiellement d'autres jeux, quoi. J'ai encore des questions pour la conception musicale à poser à Christophe Hérald, mais pour l'instant on va écouter Jacques qui nous interprète Vous. De Jacques, un conseil de Chewbacca que l'on remercie pour sa programmation musicale. Un siècle entier passé à bailler et ronfler sauvagement. Il semble que les héros de la croisée des rêves soient sous l'emprise d'une puissance somnolifère mystérieuse. Ou alors mes petits chéris avaient juste besoin de faire un gros dodo. Pendant ce temps, les cauchemars se sont multipliés. Ils se sont répandus. Ils ont engendré de nouveaux démons, encore plus stupides et terrifiants qu'avant. La croisée des rêves est en danger, mon ami. Va et réveille promptement nos héros de légende. Christophe Héral, on l'entend dans les musiques de Rayman Legends, et il y a ce côté, ce décalage qui fait à la fois penser à Astérix, mais aussi d'une certaine manière au Monty Python, Sacré Graal. Enfin, il y a quelque chose d'un petit peu à la fois sérieux et complètement loufoque, absurde. Est-ce que c'est de votre fait ou c'était vraiment une volonté de Michel Ancel? Je vais vous refaire exactement. Vous savez, les réalisateurs aiment bien toujours montrer les choses. Voilà, ça c'était son approche. Et donc vous avez écouté la musique, d'accord, okay. Le résultat. Donc ça, franchement, mais les réunions de préparation, ça doit être formidable. Il faut les filmer. J'ai des vidéos. Oui, il faut les filmer. Ça passe mal à la radio, c'est pour ça que je les ai pas. Et cette idée aussi d'aligner la musique sur le rythme de défilement de l'écran, parce que ça c'est quelque chose qui m'a frappé aussi en jouant à Rayman, c'est que il y a une harmonie permanente entre la musique et la manière dont le personnage se déplace. Oui, alors ça c'est vraiment des vieux machins que j'avais dans la tête parce que j'ai grandi avec Fantasia, donc je me disais on pourrait très bien imaginer une bande son et puis pouvoir faire de la détection et puis animer du gameplay, du level design sur de la musique, et ça date de l'an 2000 de BGE, et bien là la technologie nous a permis, et c'est finalement presque Just Dance avec Mathieu Pavageau, qui est un programmeur qui est descendu de Montreuil, qui est venu à Montpellier pour fabriquer une synchronisation comme à l'époque, parce qu'on peut pas synchroniser du jeu vidéo, on a aucune console qui tourne à la même vitesse, aucun PC qui tournera à la même vitesse. Donc là, il s'agissait donc de revenir sur un vieux rêve, faire d'abord la musique et un gameplay dessus. Donc voilà, je suis hyper content parce que Michel a permis de dire on y croit, on va faire des maps musique pour que même des aveugles puissent jouer au jeu. Parce que c'est rythmique, et donc ils apprennent tous les D'accord. chocs. Et ça, c'est super intéressant. Et je vois à côté de vous un ukulélé qui a fait le voyage de Montpellier à ici, et j'imagine que ce ukulélé nous crie « Mais jouez-moi, je ne suis pas venu pour rien !» Alors, il est signé quand même par Yves Guillemot et par Tim Cook, qui est venu dans les studios de Montpellier, et donc j'en ai profité pour leur demander un petit gris-gris. Voilà. Sur le ukulélé. Oh, Amina glou glou, oh, Amina glou. Oh, Amina glou glou glou. Oh, Amina glou glou, oh, Amina glou. Oh, Amina glou glou glou. When I love wake in a morn, when I love wake in a morn. Oh, Amina glou glou, oh, Amina glou. Oh, Amina Gloobluster. Oh là là, bravo. Merci beaucoup. Cyril Imbert, du coup là, en entendant la genèse de toute cette saga Rayman, est-ce que vous vous dites, ah bah tiens, il y a des choses qu'on pourrait aussi mettre en pratique ou appliquer dans notre mode de fabrication de nos jeux à l'ancienne, mais en même temps profondément moderne? Oh bah, en fait, on continue d'appliquer ces principes-là. On parlait tout à l'heure de la place des artistes au sein des productions. Bah, elle continue d'avoir un rôle prépondérant dans les nôtres ou même dans le jeu vidéo en général. Après, ça dépend où on met la jauge, mais si on prend l'exemple de Street of Rage 4 par exemple, la musique, ça a été quelque chose d'extrêmement important, parce que il fallait retrouver l'ambiance des premiers. Voilà, les premiers déjà étaient très connus pour leur musique, et la révolution musicale au sein du jeu vidéo que ça avait provoqué, puisqu'ils utilisaient des sons très modernes qui passaient dans les boîtes de nuit à l'époque, etc., ce qui se faisait pas du tout, et donc il fallait être à la hauteur de ça. Donc ça a eu vraiment une importance cruciale dans la production du jeu. Et pareil aussi au niveau de la correspondance entre le gameplay et la musique. Donc ça, c'est un gros travail d'Olivier de Rivière, qui excelle dans ce genre de défi, de faire en sorte qu'en fait, quand on joue à Street of Rage 4, on a l'impression d'écouter un album, et que en fait les transitions entre les différentes parties de chaque morceau se fait naturellement avec le gameplay, et que elle contribue à l'expérience de jeu globale, quoi. Voilà. Donc on utilise la même technique, on continue de mettre tout ça en avant, on l'a pas perdu de vue, Et nous, notre rôle aussi, c'est justement d'aller chercher qu'est-ce qui se faisait à l'époque pour essayer de le reproduire au mieux et de s'en inspirer. Et j'en profite pour rappeler que la semaine prochaine seront accessibles de nouveaux personnages pour Street of Rage. Le 15 juillet, ouais. Et est-ce qu'on a déjà aussi une date pour les Tortues Ninja ? Pas de date pour les Tortues Ninja. Ah, c'est toujours dans le flou. Ah, je m'étais dit, là, aidé par une émission, j'aurais peut-être un semblant de réponse. Mais non, en fait. Non, c'est toujours le grand. Mais moi, je l'ai pas. Donc, Bon, alors ça me rassure. ça me rassure. Je vous laisserai mon numéro, vous m'envoyez un texto. Ça marche, pas de problème, ça arrangera. Jean Z. Là, on a donc Rayman a terminé sa course avec l'excellent Rayman Legends. Est-ce qu'on peut espérer un nouvel opus ou est-ce que pour l'instant tout Ubisoft Montpellier est en train de travailler sur Beyond Good and Evil 2? Deuxième option. On est toujours sur Beyond Good and Evil 2. Oui, puis il faut finir. C'est un gros projet. C'est un nouveau défi. C'est-à-dire, c'est le dernier défi en date et ils ont encore choisi d'élever l'exigence et d'élever le palier technique et artistique. Donc bon, non, là ils sont concentrés sur BGE 2 qui va être, je pense, une géniale aventure de science-fiction. Bon, ça a l'air d'être vraiment dément. Donc ce Rayman, mais il a toujours une vie. Lui, il trouve une vie sur mobile parce que n'oublie rien, peut-être que sa popularité est toujours maintenue. Tout en haut grâce au mobile, on parle assez peu des jeux mobiles parce qu'on a un biais comme ça, console, PC, mais ce sont des jeux qui marchent, qui sont toujours là et qui sont vachement bien parce qu'ils sont quand même vraiment bien fichus, vraiment bien pensés. Maintenant, il faudra peut-être songer, parce qu'il y a eu effectivement Origins et Legends, au futur, quel sera le futur de Rayman en 3D, un peu comme Mario Odyssey, ou pas, c'est une des options possibles. Je regarde dans ma boule digitale et Christophe je ne vois pas grand chose. C'est la fin de cette émission. Christophe Héral, Jean Z, Cyril Imbert, merci. J'espère qu'on a donné envie aux auditeurs d'essayer ou de réessayer Rayman. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler sur le Twitter avec le hashtag Blockbuster FI. Yeah! Demain dans Blockbuster, on va parler littérature. En parlant lentement. Lentement. Très lentement. Car lire des livres, c'est rester imperméable au tumulte de la vie. On fera des pauses aussi au milieu des phrases, parce que ça donne l'air intelligent. Il y aura de la fantaisie, de l'humour anglais, mais pas de petit binoclard qui agite sa baguette dans son placard. Demain, on parle de Terry Pratchett.